RQC. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Amis du rock, bonjour. C'est dans des conditions particulièrement estivales que j'ai le plaisir de démarrer avec vous ces 2h30 d'émission au cours desquelles je vous propose de voyager en musique à travers le temps sur la planète rock and pop. Je sais que vous attendez avec une certaine impatience votre émission du lundi matin Living in the Past. Jean-Marie en votre compagnie jusque 9h30 et à... jusque 11h30. À l'instant, nous étions déjà en 1961 avec Dion and the Wanderer. Et en 1961, le compositeur Ernie Maresca venait de justement de coécrire Run Around Sue avec Dion. Et il avait aussi écrit The Wanderer, mais pour une autre formation, Nino and the Heptides, mais ceux-ci préférèrent finalement une de ses autres compositions. Et Dion donc récupérera ce titre et il sortira finalement en phase B de The Majestic, le single de Dion, et chanson qui avait été d'abord sélectionnée et imposée par sa maison de disques. Mais les stations de radio préféreront la face B et donc The Wanderer. Et c'est donc ce titre qui s'imposera sur les ondes. Et la chanson entrera au Billboard en décembre 1961 et atteindra la seconde place au début de l'année 62. Elle raconte l'histoire d'un voyageur et de ses amours passagères. Et ce titre fera l'objet de très nombreuses reprises, notamment celle de Status Quo en 1983. Ce groupe est en sursis, or ils étaient contractuellement tenus de réaliser une compilation et un 45 tours. Et Francis Rossi, Rick Parfitt, Alan Lancaster décidèrent alors d'enregistrer des reprises, dont ce Wanderer, vu qu'ils étaient à court de création originale. Et le single sortira le 19 octobre et réalisera la meilleure entrée dans plusieurs classements européens. 14 au total. Vous vous souvenez peut-être du clip vidéo dans lequel le groupe parcourt les rues de Londres dans la remorque d'un camion. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre, et précisément le 16 octobre 1951, un certain Richard Pennyman âgé de 18 ans, ont réalisé son premier disque chez RCA Camden dans les studios de WGST, une radio d'Atlanta. Il sera connu plus tard sous le nom de Little Richard. Gonna tell him. Long Tall Sally, Little Richard, en 1957, sur l'album Here's Little Richard, qui est en fait le tout premier album de ce brillant artiste de rock and roll. Et figurez-vous que ce disque va être prochainement réédité avec des démos et des prises inédites. Ce LP, en effet, fête ces jours-ci ses 50 ans d'existence et s'offre donc un petit lifting avec une réédition de toute bonne qualité. Here is Little Richard a longtemps été considéré comme le 50e meilleur album de tous les temps sur la liste des 500 réalisés dans le passé par le magazine Rolling Stone. Nous retrouvons toujours extrait de cet album, Little Richard, Tutti Frutti. She rock to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop, wop, loom, wop. how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Oh, wah, bah, bloom, bah, blah, bam, boom. Et près de 20 ans plus tard, Stevie Wonder, le 16 octobre 1976, était numéro 1 des albums avec son album le plus long mais aussi le plus ambitieux et le plus réussi, Songs in the Key of Life, soit 21 morceaux dont les hits mondiaux que sont Sir Duke, I Wish Isn't She Lovely and Pastime Paradise, que nous retrouvons ici à l'instant. Et on poursuit toujours avec Stevie Wonder, I Wish. I

Et ce matin, devinez, je suis un peu comme une pierre qui roule, comme le chantait Bob Dylan sur l'album Highway 61, Revisited en 1965. Et le 16 octobre 2007, c'est Madonna qui signait un contrat pour le moins intéressant, surtout pour elle, avec Live Nation. Le deal portait sur une durée de 10 ans et sur 120 millions de dollars, imaginez, soit 88 millions de nos petits euros. Living in the past. De la pop en stock. Nous la retrouvons avec Give It To Me en 2008. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the light C'était donc Madonna, Give It To Me, sur l'album de 2008, Hard Candy. Et voici venu le moment de célébrer l'anniversaire, de souhaiter un bon anniversaire à certains de nos artistes préférés, à commencer par Fred Turner de Bachman Turner Overdrive et de Bob Weir, le guitariste de Grateful Dead. Tout de suite, You Ain't Seen Nothing Yet, le super succès de Bachman Turner Overdrive. Sur les ondes d'RQC, et poursuivre, on se plonge dans le noir avec l'album In the Dark, Grateful Dead, Touch of Grey. Candle. C'était donc Grateful Dead, Touch of Grey, une petite touche de gris, rien à voir bien entendu avec les 50 nuances de gris. Et on va faire maintenant un petit tour en dessous du pont avec Red Hot Chili Peppers après ce petit message. RQC, de la radio à gogo. I did that dance. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. un peu de douceur et de tendresse avec Spandau Ballet and True en 1983 avant le retour de l'électricité. Living in the Past. Tonton Métal. Et c'est avec Rainbow Temple of the King. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a of a strong right hand, he's gone to the temple. Ce magnifique Temple of the King de groupe Rainbow clôturait notre séquence anniversaire du jour. J'ai choisi le morceau de ce groupe pour célébrer l'anniversaire d'un de ses membres, Tony Carey, guitariste et claviériste de ce groupe Rainbow, hein, vous savez, la célèbre formation créé par Ritchie Blackmore après son départ de Deep Purple. Nous avions aussi auparavant le groupe Spandau Ballet, dont un de ses membres célèbre aussi son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Gary Kemp, qui est le guitariste et le leader de cette sympathique formation. Et auparavant encore, nous avions Red Hot Chili Peppers pour célébrer l'anniversaire de son bassiste Flea. Il est 10h13 à l'horloge d'RQC. Il est vraiment temps de démarrer notre séquence de rock progressif. Et durant les semaines précédentes, vous vous souvenez peut-être que j'ai illustré en musique certaines caractéristiques de ce genre musical, à savoir les sources d'inspiration multiples dans différents styles musicaux, comme la musique classique, hein. La complexité de la structure musicale des morceaux de rock progressif, la longueur des morceaux, hein, qui peuvent parfois atteindre toute la plage, des formations composées de musiciens multi-instrumentistes et virtuoses. Mais les caractéristiques de ce style musical qui connaîtra ses heures de gloire au début et au milieu des années 70 ne s'arrêtent pas là. Les groupes de rock progressif ont aussi souvent en leur sein des paroliers poètes, membres à part entière des collectifs, tels Pete Sinfield chez King Crimson et Kate Strait chez Procolarum, bien que cette formation se situe plutôt à la lisière du genre. Quant aux paroles des suites, elles sont parfois imprégnées d'un humour sans queue ni tête, typiquement britannique, comme dans l'école de Canterbury, surtout chez Gong, un groupe qui comptait d'ailleurs quelques membres d'expression française, français tout à fait. Voyez par exemple le titre de cet album, Camembert électrique. Voilà, c'est un peu loufoque quand même. Et c'était aussi le cas, mais dans un degré moindre, chez Genesis. Nous retrouvons maintenant l'ensemble de ces groupes, King Crimson, Procolarum, Gong et Genesis, pour une longue séquence musicale, à commencer par King Crimson et son 21st Century Schizoid Man. C'est la version live que je vous propose. Elle dure quand même près de 11 minutes. Fire! has fuddled my fancy. She's muddled me good. I've taken to drinking and given up food. I'm buying an island somewhere in the sun. I'll hide from the natives, live only on rum. I'm selling my memoirs, I'm writing it down. If no one will pay me, I'll burn down the town. Sky. If God likes my story, then maybe he'll buy. C'était le style tout à fait caractéristique et solennel de Procol Harum, A Rum Tale, extrait de l'album de 1973, Grand Hotel. Et on poursuit dans le genre totalement loufoque avec un extrait du groupe Gong, extrait de l'album Camembert Electric. Mais avant, un petit message de la station. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Attention, c'est un peu spécial. Get there, and you try. carved oak table tells a tale of times when kings and queens sipped wine from goblets of gold, and the brave would lead their ladies from out the room. Of valor and legends born, a time when honor meant much more to a man than life, and the days knew only strife to tell right from wrong, through lance and sword. Retains the mask it wore. En décontraction, Peter Gabriel and Genesis clôturaient avec ce timetable notre séquence consacrée à l'historique du rock progressif. C'était un extrait de l'album Foxtrot de 1972. Place maintenant à notre rubrique l'album du jour. Avec aujourd'hui l'évocation d'un disque des Byrds qui date de 1970 et qui s'intitule justement Untitled, donc il n'a pas de nom. C'est un peu un album éponyme. Il est sorti donc en 1970, il est le 9e album du groupe et c'est ce disque qui relancera véritablement la carrière des Byrds. En effet, en 1970, ce fabuleux groupe de folk rock américain ne parvient plus à égaler ses succès du début. Et il se compose alors des guitaristes Roger McGuinn, Clarence White, du bassiste Skip Clyde Betin, une nouvelle recrue, et du batteur Gene Parsons. Et chaque membre propose pour ce disque ses propres compositions, et chacun aussi occupe une partie chantée. Et The Byrds Untitled se présente sous la forme d'un double album. D'abord un live enregistré deux soirs consécutifs, les 28 février et 1er mars 1970 à New York, et un album studio qui lui sera enregistré entre le 26 mai et le 11 juin de la même année, dans les studios hollywoodiens de la Columbia. Si ce formidable live comporte deux reprises de Bob Dylan et d'anciens titres, il s'ouvre sur une toute nouvelle composition de Roger McGuinn, intitulée « Lover of the Bayou ». Ladies and gentlemen, let's have a fine hand for the birds! I'm the lover of the bayou. Mark your doorstep with a halfway flag. I'm the lover of the bayou. Raised and swam with a crocodile. Snake eye taught me the mojo style. Sucked and weaned on chicken bile. I'm the lover of the bayou. Lover of the Bayou, l'amoureux du Bayou, The Birds en 1970 sur l'album Untitled. Et comme je l'ai indiqué en introduction, chaque membre du groupe pour cet album propose ses propres compositions et se met à chanter. Ainsi, Jen Pearson assurera au chant et à l'harmonica sur le très délicat Yesterday Strain qu'on va écouter ici à l'instant, un titre qu'il a coécrit avec Skip Bettin. Inspiré par le bouddhisme, ce titre offre une réflexion sur l'existence probable de vie antérieure et sur la réincarnation. When you meet someone that you don't know, but you know them just the same, you begin wondering if she might chance to be an acquaintance from yesterday's train. Something in her eyes that you've seen before, a memory or a mistress from another world. But we know the trees are green and the baby cries from dust to dust, yet nothing dies. Yesterday's train is rolling. Can you touch it through the mist? Did you meet someone on yesterday's train? Could you tell it with a kiss? Could you tell it with a kiss? Never know who we are in this endless place, or where we are in this endless space. But we know that the trees are green and the baby cries from dust to dust, yet nothing dies. Yesterday's train is rolling. Can you touch it through the mist? Did you meet someone on yesterday's train? Could you tell it with a kiss? Could you tell it with a kiss? Could you tell it with? Quant à Clarence Wright, sa voix plaintive colle parfaitement à ce titre Truck Stop Girl. Et c'est un morceau qui raconte la triste histoire d'un chauffeur de poids lourd, amoureux de la serveuse d'un resto pour routier et qui se tue malheureusement dans un accident au volant de son camion. Ironie du sort, ce guitariste exceptionnel trouvera la mort en 1973 en se faisant renverser par un chauffeur ivre. Il avait alors 29 ans. The Birds, Struck Stop Girl. Their lights flickering as they pull up to the truck stop. The same old crowd was hanging out again tonight. He said, fill up my tank while I go check my load. It feels like it's shifting on. Above all, he had integrity. But he was so young and on a tender city run, in love with a truck stop girl. As he went inside, he was The Past. L'album du jour. Always alone, never with a hurt. Prettiest mare I've ever seen, you have to take my word. Stony Ridge, after this chestnut mare, been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my brand. And we'll be friends for life. She'll be just like a wife. I'm going to catch that horse if I can. And I got her, and I'm pulling on her. Pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. Doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. My eyes were filled. Black walls below us, a bottomless canyon. Cet album studio, McGuinn ramènera aussi 4 titres issus d'une comédie musicale rock qui ne verra jamais le jour. Il s'agit d'une adaptation de Peer Gynt d'Henrik Ibsen. Parmi ces 4 titres, il y avait Chestnut Marais qu'on vient d'écouter, pour lequel il a tout simplement remplacé la rencontre merveilleuse avec un cerf par une belle jument. Et musicalement, cet album, c'est du Byrds grand cru, avec le son caractéristique de la douce corde de McGuinn mêlée à la guitare country de White. Sorti en septembre 1970, cet album permettra donc au groupe de retrouver un nouveau souffle avec une tournée américaine et européenne à la clé. Mais hélas, pour cette formation, il sera aussi pour eux le chant du cygne. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. RQC. Il y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une vie où je sens, où je plonge pour te jouer. Ta musique. Ta génération. Et on poursuit avec MC5, Come Together. Fire! C'était les Virevoltants MC5 avec leur titre Come Together, extrait de leur album de 1969, Kick Out the James. Et oui, Living in the Past, c'est aussi l'occasion, une émission au cours de laquelle on se donne l'occasion de ressusciter le temps de quelques morceaux des groupes parfois ignorés ou oubliés, injustement ici dans le cas de MC5. Et voilà, nous allons vous passer quelques morceaux en évoquant un peu leur histoire. Et leur histoire, elle commence avec deux guitaristes, Wayne Kramer et Fred Smith, qui se connaissent depuis l'enfance. Ils étaient tous deux fans de Chuck Berry, de Ventures, de Dick Dale et ce qui deviendra en fait le garage rock. Ils adoraient les morceaux rapides, hein, vous avez déjà pu un peu vous en rendre compte avec le premier titre que je viens de vous proposer, et particulièrement ceux qui évoquaient un esprit de rébellion. Après avoir joué dans quelques groupes formés au collège, il décide de se trouver un manager et ce sera Rob Derminer qui sera choisi. Et c'est en 1964 que le groupe va se mettre en place et ce même Rod Derminer deviendra le chanteur du groupe avant de changer de nom. Il choisira Rob Tyner, du nom du pianiste de John Coltrane, Michael Tyner. Et c'est aussi lui qui proposera le nom du groupe, MC5, pour bien marquer leurs racines du côté de Détroit. MC5 veut dire en fait Motor City 5. Et ce groupe MC5 jouait à peu près partout où il pouvait dans la région de Détroit et leur réputation scénique s'est vite propagée comme une traînée de poudre, tant ce groupe avait de l'énergie. Les deux guitaristes Wayne Kramer et Fred Sonic Smith se complétaient magnifiquement bien. Et les salles, d'une capacité qui avoisinait les 1000 places, se remplissaient de plus en plus souvent. On retrouve le groupe sur ce même album, cet album de 1969, Kick Out the James. On les retrouve ici avec Ramblin' Rose. Attention, ça déménage. Brothers and sisters, I want to see you see your hands up there. Everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. You must choose, brothers. You must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial. The MC5! Roll. Quelle énergie! Et ce n'est pas pour rien qu'MC5 s'est donné une solide réputation, acquis une solide réputation grâce à ses prestations scéniques. En effet, MC5 jouait à peu près partout où il pouvait dans la région de Détroit et leur réputation scénique s'est propagée, donc, comme je le disais tout à l'heure, comme une traînée de poudre. Et l'année 1969 aura vraiment été déterminante pour eux car ils vont d'abord faire la couverture du magazine Rolling Stones avec un article plus que prometteur concernant la sortie de leur premier album baptisé Kick Out the James, dont on vient d'ailleurs d'écouter la plage titulaire. Et ce premier album sera donc, comme vous l'aurez remarqué, un disque live, car MC5 avait donc acquis une telle réputation qu'il valait mieux d'abord servir une perle dans le genre. Et encore aujourd'hui, ce Kick Out the James est encore considéré comme un des albums live qui aura marqué l'histoire du rock. MC5 va partir alors en tournée durant l'été 69, une tournée qui va engendrer un succès tel qu'après le passage de ce groupe de feu, la tête d'affiche devra souvent ramer pour emporter la mise, même parfois s'avouer vaincu, comme ce fut le cas par exemple avec le groupe Cream. Le groupe a enregistré ensuite un deuxième album baptisé Back in the USA qui sortira l'année suivante chez Atlantic. Malheureusement, les fans seront déçus dans leur grande majorité car le groupe a finalement totalement changé de son. Du punk rock, il passe au rock dur et carré. Et les ventes du disque seront d'ailleurs médiocres, bien qu'aujourd'hui cet album soit devenu malgré tout indispensable pour tout amateur du rock de Détroit. MC5 tourne alors à plein régime, mais il commence à perdre de l'huile. Les tournées intensives et l'usage permanent de drogue vont abîmer cette belle machine. On les retrouve avec justement deux extraits de ce Back in the USA, leur deuxième album. Tout d'abord Looking at You et ensuite The American Ruse. Yeah. Après cet album Back in the USA dont nous venons d'écouter Looking at You, suivi de The American Ruse, un troisième et dernier album paraîtra en 1972. Il s'intitulera High Time, mais malheureusement, il connaîtra encore moins de succès. Et pourtant, les musiciens, eux, étaient satisfaits de résultats obtenus. Et ces deux albums studio ont fait perdre de l'argent au label Atlantic, qui va finalement se décider à virer le groupe. Le chanteur Rob Tyler est mort d'une crise cardiaque en 1991. Il avait 46 ans. Le guitariste Fred Sonic Smith décédera également d'une crise cardiaque, décidément, en 1994. Il avait 45 ans. Décidément, ils n'ont pas fait de vieux os. Et les trois autres membres survivants vont tenter une nouvelle aventure avec le groupe The Dictators. Et quant au guitariste Wayne Kramer, il vit et joue toujours. Et lui, il est quand même parvenu à sortir une dizaine d'albums à ce jour. On termine cette séquence avec un extrait justement de ce titre, de cet album High Time. Ce titre est baptisé Miss X. Yeah. Ce titre, Miss X, clôturait presque notre séquence consacrée à la carrière éphémère mais très riche du groupe MC5. Je dis presque car le morceau qui va suivre et qui clôturera notre émission de ce jour, il est en effet déjà 11h35, n'est en fait qu'une reprise du cultissime Kick Out the Jam qu'on a écouté précédemment. Et qu'un combo made in Belgium, les Black Mirrors, viennent de ressortir dans, et qui figure, ce titre figure sur un IP sorti en mars de cette année, IP intitulé Funky Queen. Certes, on regrettera de ne pas avoir plus à se mettre sous la dent, mais force est d'avouer que Black Mirrors nous balance un IP frais et prometteur entre des riffs faisant penser à un mélange entre Queen of Stone Age et du Royal Blood. Black Mirrors dispose également d'une botte secrète en la voix de sa chanteuse Marcella. Black Mirrors, Kick Out the Jam. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne semaine et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, entre 9h et 11h30, pardon, sur les ondes de RQC pour un nouveau Living in the Past. D'ici là, portez-vous bien. Kick out the jam, motherfucker! Living in the past.